émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Lacrime. Et c'est parti. Première semaine. Ah, je m'y fais pas en fait à cette première semaine. C'est vrai qu'il y a deux semaines avec Lacrime entre 20 et 21. Bonsoir, bienvenue à vous tous. C'est parti pour le Planète Rap consacré à Lacrime. Comment va? Ça va Fred, tu vas bien? Ça va et toi? Tranquille. Bien en train de s'installer. Ouais. Bon, la journée a été bonne? Oui, bonne. On est à quoi? 5 jours maintenant de la sortie, hein? 5 jours ma gueule. Ça arrive le 1er septembre, c'est Corleone. Toujours en précommande, on peut y aller, on peut cliquer dès maintenant et le récupérer. Toujours. Ou alors ceux qui aiment bien l'objet, il y a un bel objet, ça ce sera uniquement à la Fnac. Il faudra être parmi les premiers à se le procurer. C'est la box collector de Lacrime. Voilà. Avec l'album et le t-shirt en édition limitée. Voilà, édition limitée. Ça va s'arracher, donc faut sauter sur le 15. Allez-y, vos messages, c'est parti aussi avec le hashtag Lacrime sur Skyrock. En vidéo, l'émission, vous pouvez la suivre sur skyrock.fm, sur l'application Skyrock évidemment. Et ce soir, un invité aussi, je vois à tes côtés. Ouais, un invité. Quelqu'un que tu aimes bien, a priori, s'il est là. Ouais, c'est une relation. Ça fait longtemps qu'on se connaît en fait. Et donc par rapport à la rétrospective de mes anciens projets, il n'y a pas participé. Mais avant que je fasse mes projets, je faisais déjà des morceaux. Et on a dû en faire, tu sais, si on les compte maintenant, on a dû faire, je sais pas moi, 7, 8, 10 morceaux. Ouais. Donc voilà. Pareil, ça, vous êtes en studio. Ouais, studio, tout ça. Même pendant un moment, on se fréquentait. Tu vois, ça veut dire on se fréquentait. Après, comme on dit dans le rap, si tu fais une collaboration, on se connaît pas, donc on va faire un featuring, tout ça. Peut-être on va passer une petite soirée ensemble, mais voilà. Après, c'est le taf, tu vois. C'est du feeling. Et là, maintenant, c'était plus que ça. C'est pour ça, on faisait des morceaux sans avoir projet, tu vois. Véritablement, tu vois. Donc ce garçon s'appelle Sofiane. Sofiane. Fian Soman. Bang bang. Ça va? Comment tu vas? Eh ben écoute, en pleine forme. Ça la forme. Bah bienvenue. Merci beaucoup. Content d'être dans le. Est-ce que t'as écouté un petit peu Corleone? J'ai tout écouté. Ah t'as tout écouté? Avant tout le monde. Tout le projet avant tout le monde? Ouais, c'est la patate. Les 15 titres? Ouais, j'ai écouté. Bon alors si tu devais justement expliquer aux gens qui découvrent Lacrime et qui doivent se procurer cet album, qu'est-ce que tu dirais alors autour de Corleone? Bah je leur dirais que je pense qu'ils vont déjà ils vont pas être déçus et de toute manière ceux qui aiment Lacrime vont kiffer et ceux qui aiment pas Lacrime devraient se préparer parce que je pense qu'ils vont tomber leur cam là-dessus. Donc voilà, je pense qu'il y en a pour tout le monde et je pense que ça va toucher tout le monde. Voilà. Et ben bah, on va découvrir. Plaisir. Merci. Ce soir encore des extraits, on va remettre le morceau bracelet pour débuter. Ouais. Mais juste avant on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission, le replay de l'émission d'hier avec Lacrime. Planète Rap, Planète Rap, le replay. Ok, Lacrime cette semaine sur Skyrock, dans Planète Rap. Skyrock, Skyrock. C'est la deuxième soirée de cette première semaine, comment ça va? Ça va Fred, tu vas bien? Eh ben écoute, en pleine forme. Je suis ravi de présenter cet album qui est un excellent album, qui est l'album de la rentrée, qui sort dans 6 jours maintenant. Merci. Toi, pour les morceaux justement, quand t'écris, t'as besoin de partir de quoi? D'une phrase Je pars de la prod moi, c'est la prod qui va me dire, mon rap il est que imagé. C'est que des images qui me viennent dans la tête que j'essaie de transformer en rime, en phase, en punchline, tu vois. Et ça doit passer forcément par le son quoi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le son. Ouais, obligé. C'est ça qui m'inspire. Salut Fred, salut Lacrime, salut Ace. Salut, ça va? Ça va bien. Et est-ce que tu as retenu par contre quand sort l'album de Lacrime? Oui, 1er septembre, Corleone, pas de problème. Allez, c'est mon coup, tu crois quoi? Ouais. Il y a tout mon public qui chante. Lacrime va tout vous rappeler. Lacrime va tout vous rafler. Vous rappeler. Il n'y avait rien pour nous dépanner. Tout le monde veut délover. Ça tue, merci beaucoup. Le replay. J'ai vif des chiens, des chats en parloir. Pas deux qui me prennent de battre par moi. Des milliers d'êtres remplissent mon armoire. Les vrais qui me font que penser à moi. Ok. Corleone, frère. Des invités aussi, un invité ce soir, je vois, à mes côtés, à tes côtés. Un invité. Aïe. C'est quelqu'un qui supporte, je vois, moi j'arrête pas de le voir, il tweet sur toi, il envoie des messages, il arrête pas. Hein. C'est un plaisir, c'est le poteau, c'est le poteau. C'est monsieur Ice Lemsi qui est là avec nous. Invité par le poteau Lacrime, bien vu Refré, tu connais, on vient, on soutient Corleone. Ouais, ça fait plaisir. Cet album, moi je l'ai écouté en avant-première et c'est vraiment une frappe de ouf. Je l'ai invité pour mon projet à la base qui était toujours le même. Et on a fait un morceau en studio, ça nous a pas plu. On en a fait un deuxième, ça nous a pas plu. On en a fait un troisième. C'est pour dire que le mec s'est déplacé, tu vois. On a passé peut-être 6 jours en studio jusqu'à qu'on ait le bon. Il s'est investi à fond, tout ça. Franchement, c'était bien, tu vois. Et depuis, on a gardé de bons contacts. Dolce Vita, c'est parti. Ice Lemsi et Lacrime en featuring, c'est parti. Skyrock. Sur les sentiers de la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, Veniqua, Bellissima, Ice, Lacrime, le cash, tout est vital. Grosse voiture italienne, haute couture italienne, top modèle italienne, c'est un braquage à l'italienne. Sur les sentiers de la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, Veniqua, Bellissima, Ice, Lacrime, le cash, tout est vital. Grosse voiture italienne,

Exactement. J'avais oublié le morceau avec Dirk aussi, c'est une patate atomique, non? Ouais. Très chaud ce morceau. Et je sais pas si t'as vu les premières images qui ont été balancées, ça y est, les a balancées. Ouais, j'ai vu le teaser, mais en plus, c'est une connexion rue de fou en vrai, tu vois. C'est une connexion rue de fou. Ah, bah, ce qu'on disait, ouais, Lil Durk, c'est gros mec de Chicago. Juste ça, c'est la beauté, ouais, c'est les Kaira de là-bas, laisse tomber. C'est chaud. C'est chaud pour de vrai. Voilà. Donc les images arrivent demain 22h, hein, le clip. Ouais, c'est ça. Et pour demain 22h en ligne. Et pour trouver les toutes premières images, il y a 15 secondes, hein, c'est sur l'Instagram de La Crime, c'est officiel La Crime. Ouais, c'est ça. Allez cliquer. Vous allez découvrir l'ambiance de ce clip qui a été tourné Miami, hein, c'est ça? C'est ça. Little Haiti. Voilà. Donc bonne ambiance aussi sur le tournage. Ouais, très bonne ambiance, hein. Tu sens que c'est une atmosphère très très très chelou, tu vois. Quand t'arrives. Mais après c'est comme si t'habitais là-bas, je veux dire t'es bien reçu, tout va très bien, t'es mis à l'aise, voilà. Mais tu sens très bien que si t'es pas de là et tu viens, tu vois, même tu vas acheter une glace, ma gueule, ça se peut. T'as plus de pantalon. Ah, tu sens ça aussi, ouais. Tu sens une vraie tension, ouais. Non, mais dès que t'arrives, tu sais, les rues sont vides. Il y a que les mecs qui habitent là qui sont là. Ouais, c'est tout, ouais. Y a pas de. Un touriste, il peut pas se faire. Il y a pas de touriste, ouais. C'est impossible. Bon, bah, vous découvrez le clip demain en intégralité. Les toutes premières images sont dispo. On va faire un petit point aussi et revenir sur ta carrière. C'est ce qu'on fait cette semaine, notamment avant d'attaquer aussi l'album la semaine prochaine lors de la sortie. Ouais. Avec un morceau aux côtés de Mister You. Ouais. On va tout perdre. On va tout perdre. Un petit mot aussi sur ta rencontre avec Mister You. Donc, ça fait bien longtemps. Ouais, ça fait très longtemps. C'est même hors musique d'ailleurs. Ouais, exactement. Toute première rencontre. Exactement. On s'est rencontrés en prison il y a 10 ans, 11 ans maintenant. Et voilà, je suis sur ce projet. C'est lui qui t'a dit vas-y fonce quand même. Ouais, hein. C'est lui qui m'a motivé en fait en tout point, tu vois. Ça veut dire quand je fais un morceau et que les gens sont bien accueillis, déjà ce morceau lui il le prend et le met sur son projet, tu vois. Il y a un engouement, ouais, il me motive. Et puis lui, il était déjà sur cette trajectoire. Donc quelque part, il me disait, tu vois, à chaque fois regarde moi, tu vois. Donc ça veut dire c'est pas comme si en plus il m'a jamais produit, c'est un rapport vraiment d'amitié fraternelle, tu vois. C'est-à-dire c'est des vrais conseils. Voilà. Et le morceau s'appelle On va tout perdre. Il y a eu plusieurs morceaux avec Mister You. Ouais, il y en a eu plusieurs. Moi, celui-là, je l'affectionne tout particulièrement. Et le public aussi. Tu vois, on a fait plusieurs morceaux, mais celui-là, je sais qu'il est grave resté dans la tête des gens. Et bon, on l'écoute maintenant. On va tout perdre. Ouais, Mister You et La Crime, c'est ça. Je me permets. Merci beaucoup, la famille. Les messages, ils sont au top. Sofiane et La Crime sur Skyrock, c'est beau. Merci à vous, la famille. Aïe. Et Sofiane, on balancera aussi un de tes morceaux. À toute patate. T'es venu avec un morceau. Je suis venu avec plein de morceaux, mon bon. Un bang bang. Un bang bang. Ça arrive. Toujours opérationnel pour foutre le bordel. Les mêmes phrases qui reviennent en ouvrement de modèle. À quoi bon lutter, seul Dieu est éternel. C'est dans nos gènes depuis la maternelle. À la fin du film, gros, on va tout perdre. Plus de mitraillettes et de micro. On va tout perdre. Qu'un détail ce micro. On va tout perdre. Alors Slim, on va tous perdre. Pour le cerf qui souffre, toujours une pensée sincère. Bah ouais. Ta mère la pute, c'est ton blase à la SACM de Marseille à Bilbao. Le tarot est imbattable. Bah pute, tu vas. Je crache ma vie de bâtard. Bon bref, à cette heure-ci, alcool et bisutage. Mon oseille, je veux le prendre, je connais pas les dessous de table. Tout a un prix, comme m'a montré ta chatte. Père, il a brûlé. Tu croyais ta chatte. Dans le match, j'ai mes repères. Mais je la lâcherai grand-père. Je connais pas un fils de pute sur terre qui serait heureux de perdre. Voyons, reste mignon, ombré. Une affaire à des millions, ta femme viendra se cambrer. C'est bien fait, sont éphémères. Où ça n'est qu'artifice. Je te laisserai de l'oseille et des principes quand je serai parti fils. Mister You, La Crime, ton équipe au tarpin. Qui pue la rue, car on a son parfum. Toujours opérationnel pour foutre le bordel. Les mêmes phrases qui reviennent en ouvrement du modèle. À quoi bon lutter, seul Dieu est éternel. C'est dans nos gènes depuis la maternelle. À la fin du film, gros, on va tous perdre. Plus de mitraillettes et de micro. On va tout perdre. Dans le détail ce micro. On va tout perdre. On va tous perdre. Soit que les haineux, ces fils de pute, ils ont trop le seum qu'on pèse. En 2013, c'est plus mais leur dame qu'on pèse. Et on travaille nos faces, ils rêvent d'avoir nos vécus. Ils sont comme des hémorroïdes, ils arrêtent pas de nous bouffer le cul. Un imbécile peut être un génie quand il revient de loin. J'ai découvert l'Amérique en croyant rejoindre l'Inde. Tu peux tout perdre sur un coup de poker et je parle pas de ta plainte. Une chose est sûre, c'est que l'ange Gabriel prendra pas ta plainte. J'ai bien que la frappe de Ketama, c'est pas mieux que le chocolat Lind. Je connais la vengeance des femmes, je connais l'histoire de Hinet. J'ai trop la dalle, fils. Y'a carcar des micros, je préfère l'appel de la prière, mais c'est Iblis qui me tient le micro. Né pour mourir, y'a pas que dans ce spark, connaît Kenny, flot à la 23ème chambre. Rap ça les flagrants délits, crois-moi qu'on va tout perdre. N'écoute pas tous ces parois, Charles en fera tout le tour du monde, et cette fois nous la calme. Pas opérationnel pour foutre le bordel. Les mêmes phrases qui reviennent en ouvrement de modèle. À quoi bon lutter, seul Dieu est éternel. C'est dans nos gènes depuis la maternelle. À la fin du film, gros, on va tous perdre. Plus de mitraillettes et de micro, on va tout perdre. Détail ce micro, on va tout perdre. rationnel pour foutre le bordel. Les mêmes phrases qui reviennent en ouvrant mon bah, Farid Moto, c'est comment quoi bon lutter, Vincent, c'est comment éternel. C'est dans nos gènes depuis la maternelle. À la fin du film, on va tous perdre. Plus de mitraillettes et de micro. On va tout perdre. Donne détail ce micro. On va tout perdre. L'US 17 des villes juifs. Alors moulé. Hein, frérot. Lacrim et Mysterio, on va tout perdre à l'instant sur Skyrock. Petit retour en arrière sur la carrière de Lacrim. Ouais. On passe un morceau par soir et en l'occurrence c'était celui-ci avec Mysterio. Ouais. Sofiane est là avec nous aussi dans ton Planète Rap ce soir. Yo. Le morceau s'appelle Bang Bang, c'est ce qu'on va écouter dans un instant. Il s'appelle Bang tout court, il bang, fait bang une fois et bang dans tout le refrain. C'est, t'es sur un projet là, Sofiane. Ouais, ouais, premier album 2015, on va tirer bientôt, Inch'Allah. 2015. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, il y aura des news la fin 2014. Très bien, bah, on suivra ça. Ah, ça arrive, frère. Même moi, j'ai écouté des titres, c'est là, poteau, ça arrive. Hein. Et juste avant de balancer ce morceau, Lacrim, je crois que tu voulais qu'on passe un coup de fil qui te tient à cœur. Ouais, je voulais passer un petit coup de fil à des poteaux. Eh bah écoute, dis allô, je pense que normalement, tu es connecté avec tes poteaux. Allô. Allô. Ouais, c'est comment, frère? Alors, Lacrim, alors, frère. Ah, alors, le frère, alors, le Sam. Un coup de téléphone en direct de lui. Ah non, en direct par la fenêtre, écoute par la fenêtre, c'est comment? Mais par la fenêtre. Elle est animée, ma gueule. Elle est animée, hein. Eh, grosse dédicace à tout le bâtiment B, ma gueule. Faites du bruit. Eh ouais, grosse dédicace, je vais commencer doucement avec tous les frères là qui sont avec nous, qui soutiennent. Alors, Marco, t'es là, Marco? Alors, on commence doucement, Marco du 143, Ahmed Beko, Mirano, Foufou d'Anville, Ouest Frère, Karim Tocan, Azar, Bon Bamboud, mon ami Mouton et Benhamer. Ah oui, madame. Alors, Fater. Salim. Alors, Risa. Voilà, c'est trop long, t'as compris, fallait les... Ah bah là, en fait, j'aurais dû prendre le gong, en fait, pour les dédicaces. Ah, pas de trappe avec eux. Non. Eh, vieux fou. Eh, tu m'entends? Bah, allô, Lacrim. Allô, allô. Bon, ils sont tous là derrière nous, nous écoutent. Juste un petit mot. Il y a des frérots, ils vont se prendre. Les rappeurs, ils vont se prendre. Aïe. Juste un petit mot, par contre. Qui tu voulais avoir en ligne et avec qui on est En fait, c'est mon frangin Boudère, mec de la Castellane. Et voilà, j'ai tourné avec lui. Là, il est en cellule avec Fresh, mec de Bagnolet, mec de Paname. Ça veut dire un mec de Marseille, un mec de Paname dans la même grotte. Et voilà, t'es une grosse équipe de 10-15, on tournait ensemble. Bâtiment B, très animé, ma gueule. Donc voilà. C'est la grotte de Luynes. C'est la grotte de Luynes. En direct de la grotte de Luynes. En direct, t'as vu. Et voilà, ça veut dire. C'est avec chez nous, il s'en fait la barre. Voilà, on faisait la barre tous les jours ensemble. Ça voilà. Soutient, on ça soutient. Avec tous les frangins. Voilà. Alors, qu'est-ce que les gars, vous m'entendez? Ouais. À 20h12, qu'est-ce qu'on fait alors là quand on est dans la grotte à Luynes? On écoute évidemment le Planète Rap de Lacrim. On écoute Lacrim, on toute la prison, ça écoute Lacrim, ma gueule. Oh, frère de Sky, oh. Ouais. Luynes en ce moment. Pardon? On est dans Lacrim, on te les fait tourner en boucle. Mais c'est un peu. Ouais, frère, c'est ça, tu sais, ça va être des détenus, ma gueule. Ouais. T'écoutes, tu t'évades, tu vois. C'est ça, c'est bien, c'est une force la musique en prison. Bon, j'espère, tiens. Bon, les frères, je vous embrasse, je vous rappelle tout à l'heure. Allez, vas-y, tout à l'heure. Merci les frères, embrasse tout le monde. Marco du 143, ma gueule. Alors Fatih, ça dit quoi? Alors ma gueule. Bah, vas-y, je vous embrasse les gars, tout à l'heure. Nagui. On vous embrasse. À tout à l'heure. Ciao les gars, en merci, direct de la grotte de Luynes. Ciao. Ciao à tout le bâtiment B, à tout Luynes aussi où j'ai eu l'occasion justement de faire un concert, on en a parlé. Ouais. Embrasse tout le monde la gueule, embrasse tout le monde. Et puis s'il y a des dédicaces pour les rappeler d'ici la semaine prochaine, ouais, parce que t'es là pendant 15 jours. Ah oui, il est là et on est là. Et tiens, un petit mot par contre, parce que c'est vrai que en prison, on a ce qu'on appelle. On a ce qu'on appelle. Ça arrête pas. C'est Planète Rap en direct de Luynes. Non, mais ouais. On a ce qu'on appelle cantiner, c'est-à-dire que on peut acheter plein de produits, mais qui sont généralement très chers. Ouais. Je sais pas si CD, on peut aussi. Maintenant, avant, c'était une cantine extérieure où t'achetais le CD une fois par mois, t'avais le droit d'acheter un CD. Maintenant, on te le ramène directement. Ton pote, il te l'achète dehors. Et il te le ramène fermé par contre, tu vois. Ça veut dire à tous les parloirs, tu peux faire entrer le CD. Il peut pas être ouvert, ouais. Voilà, ça veut dire que là, le 1er septembre, il sort le CD. Tu vois, je sais que les prisons, ils vont être inondés toute la semaine. Les gens, ils attendent que ça. Tu sais, c'est un CD, hein, tu vois, mais c'est événementiel pour eux. Ça veut dire là que c'est un nouveau CD, ça rentre dans ton rituel de ta journée. Et maintenant, tu sais, pour faire du sport, t'as le CD, t'as de nouvelles musiques, t'as tout fait à manger, tu sais. Voilà. Toi, c'était comment tes journées quand t'étais justement dans la grotte? Après, je connais, tu vois, on s'adapte vite, tu vois, mais voilà. Déjà, première chose, c'est qu'il faut oublier le contexte de t'es en prison, t'es là, faut assumer ce que tu fais. Ça veut dire, on est là entre potos, on se fait une routine, on se fait bien des bêtes de plat. Et tu sais, franchement, là où j'étais, c'était grave solidaire. Un mec, on descend en promenade, tout le monde a descendu. Moi, j'ai descendu des spaghettis, l'autre a descendu une tourte. On fête les anniversaires des gens. Mais c'est monumental. 10 bouteilles de Sky, 30 gâteaux, chacun a descendu un truc, tu sais, c'est familial, tu vois. Et j'ai trouvé ça bien, tu vois. Et donc toi, t'avais quoi, beaucoup de sons, t'écoutais beaucoup de sons, ou ouais, justement bah, son carré, moi toujours, tu vois, son carré toujours. Les potos, ils sont en connexion, ils écoutent aussi du son. Voilà, on est là, ça motive, on fait la barre. Voilà, ils écoutent la crime, ils écoutent, tu vois, plusieurs artistes. Voilà, tu vois, c'est ça. La crime, ça tombe beaucoup en prison. Et toi, tu nous disais que t'as pas forcément beaucoup écrit l'album. Enfin, l'album, tu l'as pas écrit. Non, même pas. De toute façon, les potos, ils écoutent, ils sont avec moi, ils savaient, tu vois, tous les jours, on est là. Je m'entraîne un petit peu, ils viennent avec mon cellule, ils viennent, ils écoutent deux trois trucs que j'ai fait, ils me disent oh, c'est lourd. Même là, quand ils savent qu'il y a l'album, mais truc, tu l'as pas mis. Je dis non, celui-là, je dis putain, t'aurais dû le mettre, ça tuait, tu vois. Voilà, mais je suis sorti et j'ai fait mes titres. Bon, bah, on salue en tout cas Lune et puis tous ceux qui nous écoutent. Je vous embrasse très fort, les gars, courage à vous, les frères. Ceux qui sont à l'écoute de Planète Rap et qui attendent aussi ton album. Toutes les prisons de France, ma gueule, toutes les prisons de France, vous allez être servis. Dans un instant, on va mettre, tiens, on a le temps de le balancer maintenant, juste avant la pub, le morceau de Sofiane. Allez, bang, on s'exclut. Envoie-nous de la purée. Envoie-nous de la purée. Inédit, ma gueule. Donc, titre inédit. Invité au Planète Rap de la crime, 1er septembre, oublie pas mon pélo. Et puis voilà, on est là. Eh ben c'est parti maintenant. Allez, gros, c'est plus, on accompagne ça, y a rien. Ça aussi, ça devrait faire du bruit du côté de lui. Allez, t'écoutez, vous prenez, vous mettez sur YouTube, ça tourne pendant deux mois. Just one more time. Aïe. Ibra dans les studios, yeah. Yup. Un jour tu pleures, un jour tu cries. Bang, click, bang, click, bang, click, bang, bang, click, bang, click, bang, click. Mes ennemis sous une pluie de click, bang, click, bang, click. Au nom de mes frères et du fils, brrr, au nom du père et du fils, brrr, fini les fêtes et l'IS, y'a le NCIS sur moi et mes complices. Bang. Les champs de poudre sont gris, c'est dans ta tête qu'on vise. Loup comme un pote, t'as du lot, ton frère, c'est pas ta faute si tes potes sont pisse. Ich, Fianso, so boys, nigga. Pénurie d'ennemis, black, Rolls, Royce, nigga. Fianso, gros. Fold, nigga. Si peu de beef. J'ai tous les flots d'un street, la shot à chief, kiff, kiff, kiff, exclusivité, ma gueule. C'est comment, Brésilor? C'est comment, Blancote, mon frère? Un jour tu pleures, un jour tu cries. Bang, click, bang, click, bang, click. Eh, ça c'est bien que chez toi, frère. 9-3, ma gueule. Wesh, te fort. Wesh, Mercus. Wesh, Kala. Alors, Kala. Wesh, Kala, ça dit quoi, frère? T'entends là? Mec, mec, on a connu Tahlel. Mec, mec, on a connu Tahlel. Mec, mec, on a connu Tahlel. Quand elle était haram. Mec, mec, on a connu Tahlel. Mec, mec, on a connu Tahlel. Mec, mec, on a connu Tahlel. Quand elle était haram. Tu le brûles, tu le brûles, tu le fumes. Blanc, coq, zou, sisi, sisi. Mr. Baloja, ma, mou, dou, piti. L'alerte est donnée, les boys sont rangés. Quand les condés remplis. Encore, encore, encore, encore. L'alerte est donnée, les boys sont rangés. Quand les condés remplis. Rallume pas le cierge, elle est plus vierge. Si on la doit, t'avant. Rafle le siège arrière. 200 trèmes dans la boîte à gants. Et les darons font brr, brr. Et les petits frères font brr, brr. Et les petites sœurs font brr, brr. Un jour tu pleures, un jour tu cries. Bang, click, bang, click, bang, click, bang, bang, click, bang, click, bang, click. Mes ennemis sous une pluie de cric. Bang, click, bang, click, bang, click, bang, click, bang, click, bang, click. Un jour tu pleures, un jour tu cries. Bang, click, bang, click, bang, click, bang, click, click, bang, click, bang, click. Mes ennemis sous une pluie de cric. Bang, click, bang, click, bang, click, bang. C'est le 9-3. Et 9-4, Narvalo. Ouais, je dis que c'est la Kalash. NMJ. Dédicace au 13 aussi, à Marseille, frère. Ouais, Sidi, à Bois d'Arcy. Brûler le bitume. Samba, Doulaï, Villepin. Brûler la vie. Le morceau titre inédit de Sofiane à l'instant. Bang. Ah, chaîne, c'était juste pour toi. T'as bang. Vu le message. T'as vu les réactions, c'est lourd, hein. Allez-y avec le hashtag Lacrime sur Skyrock. Franchement, c'est stylé, Lacrime sur Skyrock, ouais. Déboîte et Twitter. Hein. Aïe, lourd clic. Voilà les messages qui arrivent. Voilà. C'était du TT là, normal. Il est chaud, Sofiane, ouais, il est chaud. Et il est là, avec nous aussi, ce soir. Entre 20 et 21, dans un instant, on va revenir sur Skyrock. Petite question, tiens, pour repartir avec cette box collector qui sortira uniquement à la Fnac de la Crime avec l'album et le t-shirt en édition limitée. Demain, sort un clip, de nouvelles images de la Crime à 22h. Ouais, demain, événement. Un morceau avec Lil Durk, mais comment s'appelle ce morceau? C'est la question que je vous pose. Si vous avez la bonne réponse, vous repartez peut-être avec ce coffret collector 41759. Avec le hashtag La Crime sur Skyrock, c'est même donné, j'ai envie de dire. Mmh. Si vous avez écouté, on a balancé ce morceau. Ouais. Avec Lil Durk. Comment s'appelle-t-il? 41759. On va revenir dans un instant. Qu'est-ce qu'on mettra aussi de ton album Pronto? Ouais, on va jouer Pronto. On va jouer Pronto? Ouais. Et bah bougez pas, c'est juste après ça. Broadcast live. You're listening to Skyrock. Comme toi, Lacrim a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec un extrait maintenant de Corleone, le morceau c'est Pronto, Lacrim. Ok. Pronto. Bah oui, prends-nous en photo. Gros, bah oui, pose-nous des micros. Gros, les tchapas sont dans l'auto. Gros, la curiosité a vu leur défaut. Tu parles de qui? Tu parles de moi? Moi je te connais pas. Je ne plaisante pas. Reste tranquille, Renoir. Moi je pars d'ici. Mais je suis partout chez moi. Broly, Kalash, Music. Ah, trop de salopes sur la vie de ma mère. Un dernier verre, je vais tous me les faire. 762 pour casser les jambes. Faire courir les gens. Tenu sur les champs. Qui peut tester avec moi? Personne. Je vous baisse toi, lui et elle. Tout seul. La me. Vers ta Rolex, je suis pas Qatar. Le pétrole. Ma fine, la chérie. Non. Tu veux faire la guerre, mais t'es pas prêt. Non. Crois-moi, non, blague pas. Non, on s'en bat les couilles de ce que t'as fait. Non, pourquoi te regarder quand je suis refait. La vie de ma mère, la vie de ma mère. La vie de ma mère, la vie de ma mère. La vie de ma mère, la vie de ma mère. La vie de ma mère, je les fous. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je parle les fous parce qu'on aime ça, on attend ça, mais pour ça, on baise la pronto. Tes sons téléphonés, ton équipe de bouffons, bouffons. Le phrase c'est l'eau fané par lui, par mes frelons, frelons. Ah ouais t'es un vrai, moi j'étais un faux. J'suis dans les faits divers, t'es qu'à la radio. Cramé et mon équipe, pas de CB du liquide. Si j'te fume mon équipe, la cave la grand kiff. Donc j'm'arrache au double Alger, Corniche et Raton. J'serai jamais extradé, même pour deux tonnes. Les couilles et l'honneur, l'oseille et les tarpés. Les harbés, les harbés. Big up aux vendeurs, aux braqueurs, aux tueurs, les amis, les ennemis. La tête sous l'eau, au fond de la rue, t'inquiète c'est nous. 3 millions ça c'est pour la dolle. Même pour 10 bits mon frère on prend tout. On prend tout. Comme tu sais, comme tu sais. On a peur de rien, on a peur de rien. Ta vie ou la mienne, en vrai j'en sais rien, j'en sais rien. Ratata, ratata. Je suis déjà loin, 9-4, Marseille, Bondy, Nord. Et j'oublie pas, mais montre loi. Non, je veux faire la guerre mais t'es pas prêt. T'es pas prêt gros. Crois-moi, non, blague pas. La vie de ma mère, non. La vie de ma mère. S'en bat les couilles de ce que t'as fait. S'en bat les couilles, non. Gros. Pourquoi te regarder quand je suis refait. La vie de ma mère, pronto. La vie de ma mère. Je veux pas les fous. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous. La vie de ma mère. Je parie de moto, ça dit quoi? Vincent, ça dit quoi? Je veux pas les fous parce qu'on aime ça, on attend ça. Mais pour ça, on baisse la pronto. On baisse pronto, frérot. Ré, Belek à la prod. Casse le dos, casse le cul, frère. Ben là que c'est chaud, hein. 1er septembre. Wesh, corps. Corps, fusil à lunettes. Ah, ma gueule. Not be. Hey, Castellane, Bassens, Marronnier, Herbel, Cheville-la-Rue, 9-3, Le Parc, frère, Bangkok, Aulnay, Bondy. Pierre c'est mort, Zadité. Nagui, on dit quoi? Fais quoi à manger ce soir? Hein? Le morceau s'appelle Pronto. Vous le retrouverez sur l'album de Lacrim qui sort le 1er septembre. Et Lacrim en tournée aussi, Showcase, hein. Ouais. Tu vas te barrer là ce week-end, t'es du côté de Tanger au Maroc. 6 septembre au Purple de Perpignan. Le ouais. 12 septembre à Liège. Le 13 septembre à Mons en Belgique. Voilà. 26 septembre à Lyon. Et une nouvelle date qui vient de tomber le 11 octobre au Palm Beach de Arles. Voilà, même à Perpignan, c'est une nouvelle date qui vient de tomber. Et bah allez-y, allez voir la crime en showcase avant une grosse tournée aussi, je suppose, là pour. Ouais, exactement, après on va enchaîner sur la grosse tournée, ouais. Pour la fin de l'année ou peut-être début 2015. Ouais. Allez suivre sur les réseaux sociaux. Exactement. Pour avoir plus d'infos. J'avais posé une question tout à l'heure. Comment s'appelle le morceau dont le clip arrive demain à 22h avec Lil Durk? Simple. Ah, on fait pas ça, frère. On fait pas ça. T'es pour repartir avec la box collector et donc le clip demain 22h, les premières images, ouais, sur ton Instagram maintenant. Hein. Ouais. J'étais tenté de. Tu vois, je voulais le passer ce soir. Mmh. Mais je vais laisser découvrir avec le clip. On va attendre la fin de semaine. Parce que le morceau, c'est une tarte en lui-même, tu vois. Et le clip, c'est trop chaud. Donc je vais laisser déguster, découvrir. Donc ça. Donc il faut avoir les images aussi qui vont avec. Ouais, franchement, gros, tu prends une tarte. Donc demain, 22h. Demain, 22h, soyez branchés. Juste après Planète Rap. Et soyez branchés. C'est l'histoire quand les Quinri respectent les Français, pour une fois. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, mais on en a parlé un petit peu, c'est vrai, cette semaine où, ouais. Voilà, où on sent que c'est pas uniquement pour le respect. Pour le beef, que le mec vient faire ça, voilà. Ah, bah, totalement, tu sens que, voilà, il joue le jeu, a priori, il a apprécié en plus les prods, ouais. C'est que t'expliquais avec Bellec. Ouais, mort. Tout, même le couplet, tout, tu sais, c'est le mec, chaque mois, il voulait savoir ce que je disais, que truc, tu sais, sentait concerné, tu vois. Je te dis, dans le clip, il back mes phrases. En français. Au début, pour dire on fait pas ça, il disait on fait Barça, tu vois. C'est chambé, tu vois. Pas mal. Ouais, voilà. On fait Barça. Exactement. Et après, on lui expliquait. Et après, il était, frère. Ah, c'était bien. Et bah, demain 22h. Demain 22h pour retrouver les images d'On fait pas ça, un morceau qui figure avec Lil Durk sur l'album de la crime. Tout le monde veut délover, c'est ce qu'on va passer dans un instant. Juste avant, on est avec par téléphone, c'est l'heure du freestyle par téléphone. Ça, j'ai déchiré ma fiche. Dommage, je suis bête, moi. C'est Bilka de Sartrouville. Salut Bilka. Ouais, Bilka, Fred, tu vas bien? Ça va et toi, Bilka? Ah, ça va, on est là. Hein. Eh ben écoute, bienvenue dans le Planète Rap de la crime. Merci Fred. Ça va la crime? Salam, ça va mon frère, tu vas bien ou quoi? Tranquille? Ça va? Bien ou quoi, frère? Bien, Alhamdoulilah. Super, on est là, on est là, Armand. Aïe. Eh ben tu es prêt à rapper toi, Bilka? Ah, on est là. Hein, Je rappelle qu'au bout d'une trente, il faut être rapide, concis cette saison hein, dans Planète Rap, sinon vous entendrez ça. Ok, bah on va essayer. Hein. C'est le gong, il faut tenir. Allez, c'est parti. Aïe. Bilka, dernier MC, bon. La crime, Janto. Bien vu, Mac John. Planète Rap, frère. On voit la sauce, frère. Aïe. Idriss, on dit quoi? Skyrock FM, Skyrock FM, Skyrock FM, Skyrock FM. Ah. Salam alaikum à tous ceux qui m'écoutent. C'est juste l'intro de l'album, je souffle un fruit, je la découpe. Rap de bonhomme, il tombe des gouttes de sang à chaque rime, à chaque flow et à chaque phase. Je commets un lyrical crime. Tu me connais, tu me reconnais dans une belle enveloppe cousue avec Elisabeth Sarventès sous Penelope Cruz au bord d'un Land Cruiser. Je me casse direction le Maghreb, j'arrive tout en douceur, mais t'auras pas de ton de Kaheb. Jugé par des crèves issus d'un milieu modeste. Soit tu me kiffes, soit tu me détestes. Y'a toujours fier qui le teste, qui veut fâcher, qui le dresse. Va te cacher, moindre geste vous êtes flashé, moindre geste vous êtes flashé. Dans le West, c'est la zone Harry. On est très loin des coins chics. La capitale c'est Paris. Tout le monde sait que c'est magique. Et si je kiffe comme ça, c'est pas un don du ciel, mec. Quand quelqu'un me dit que moi je réponds, y'a tel mec. Il était temps que je fasse ma place. Toi ces chiens de la casse, qui croient grâce à Jacques. J'arrête comme petit Delca, gros micro, talentueux, venu tout droit d'Africa. Pour survivre, je crois en Dieu. Je fais comme vous des flicas. Je mène une vie d'aloca, destinée à faire de bonnes choses. Mes frères, c'est délicat, destiné à faire des bonnes grosses franches. C'est trop speed et à grosse dose. Pas d'overdose, toujours speed, jamais d'overdose. D'humeur morose, où j'arrive avec un album mixé. C'est mon projet X-Kind de sortie fixée. À la conquête du succès sans sucer. Faut pas que je me dirige dans leur combine, c'est abusé, tu sais. La cabine, c'est mon terrain. Enfin, joueur, je casse des reins. À la Messi ou Drogba, je viens d'atteler si, mais je me prends pas précis. Sur la mesure, on bat tes gros bras. Les MC repartent avec des morceaux. Laissez pas le cobra. Waouh, pile poil dans les temps. Bravo Bilka. On a essayé, Fred. Au top, bravo mon pote. Bravo mon pote. Ça a été juste à la limite. Ouais, pile poil. Ça c'était gros. Hein. Merci gros, merci. T'appelles Bilka, hein. Petit dédicace, ouais, on peut te retrouver sur le net, on peut te suivre. Voilà, sur Twitter, donc Bilka officiel, BYLKA officiel. Sur Facebook aussi, j'ai ma page, Bilka officiel, pareil. Et voilà, donc j'en passe une à la crime, fan de Chanté. Merci beaucoup, ma gueule. Tous les mecs, quoi, qui font du bon pleura, tu vois. Merci, frère. À Sartrouville, à F2L, à tout le monde, tous ceux qui pleurent, tous ceux qui se battent, tu vois, pour faire de la qualité.

Dédicace à lui, il a tous mes braves. Qui m'ont dit la crime, baisse tous tes traves. Récupère de la rue, mais rien de grave. Va donc surveiller ta soeur, la chienne. Tout le monde est chaud ce soir, il gèle. Gros en avoir qu'une, c'est ça que j'aime. Et qu'est-ce que t'as de carême sur sa chenille. Oui, oui, je veux du cash, villa et piscine. Perpétrer des homicides. Je peux garder toutes tes salopes. Rien à voir avec mon missile. On a le vrai bonhomme avec nous. Ceux qui s'usent des bites avec vous. Tous les hommes meurent, mais peuvent vivre vraiment trop du cul que je parle avec vous. T'as pris des bêtes, tu veux me faire la guerre. Mon bloc te mettra à genoux. Mon bloc te mettra à genoux. Deux, trois promenades et tu me croyais mort. Mon bloc te mettra à genoux. Mon bloc te mettra à genoux. Mon bloc te mettra à genoux. Y'a pas de hasard, y'a le baveux. Oh, mon bloc te mettra à genoux. Mon bloc te mettra à genoux. Mon bloc te mettra à genoux. Mon bloc te mettra à genoux. Mon bloc te mettra à genoux. Je vais pas dans le détail. Casque intégral, une grosse bécane. Bang, bang, bang, la crime c'est wham. Pas de diplomatie, je suis une racaille. Et ouais, à taille, regarde le drapeau. Couleur billet de sang, couleur crapaud. T'as fait sans pipe, moi sans braco. Dormi dans les hôtels de Monaco. Bref, ce sont tous des chiens qui un poids. Les gars, leur nique leur mère, et y'a quoi. Moi d'accord, je vais peut-être commencer par toi. Connard, je veux te voir, te rentrer des doigts. Écoute, et tais-toi, là, le son des bâtards. Donne-moi les tuyaux, j'attache au cata. On a passé l'âge de faire des bacas. Cousin, je t'allume ta mère, je rentre au placard. Je vis du shit, une chatte au parloir. Pas vu qui me prend de bâton par moi. Des milliers d'êtres remplissent mon armoire. Les vrais qui me font que penser à moi. Je ne suis haï que chez les faux. Je suis sorti tôt, les gros, chez les gros. Seul sur la route et je roule sans rétro. Aimé par les gros, aimé par les pros. Ok. Alors ça dit quoi? Lune, on est là. Freine, la santé. Moi d'Arthur. Je veux faire la guerre. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Deux, trois promenades et tu me croyais mort. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Y'a pas de hasard, y'a le baveux. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Je relève les comptes et tu dois des sous. Sous. Mon Glock te mettra à genoux. Ok, gros. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Bastos dans leur mer, ouais. D'un frappe, d'un frappe, d'un frappe. Bastos dans leur mer, ouais. D'un frappe, d'un frappe, d'un frappe. Alors à lui, c'est comment? Par la fenêtre. La frappe, la frappe, la frappe ou pas? Hein, gros? Mon Glock te mettra à genoux, frère. Bastos dans leur mer, ouais. D'un frappe, d'un frappe, d'un frappe. Corleone, ma gueule. C'est le 1er septembre dans les bacs. 1er septembre dans les bacs. Ce morceau, c'est mon Glock te mettra à genoux. C'est ce qu'on voilà. Écoutait à l'instant. Premier single. Ça aussi, c'est un gros morceau de l'album, hein, celui-ci. Ouais, il est chaud patate, celui-là. Ouais, celui-ci, il est bon. Ah, t'as bien vu, je braquais. Hein. J'avais pas prévu, mais ça vient tout seul. J'ai après, vu que tu étais en backer, ce film. Ouais, c'est ça, frère. Corps à la prod, hein. Ouais. Fusil à lunettes, frère. Corps qui a réalisé sans faire exprès. L'album avec des sons du Frangin aussi, Belleg qui est là aussi dans le coin, je l'ai vu passer. Ouais. Qui vient supporter la sortie de Corleone. Avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette au 41-7-5-9, on remet un petit coup de bracelet. Allez, vas-y, avec plaisir. Allez, c'est parti. Allez. Bracelet, gros, ça tourne, hein. Les potos, ils me disaient, ouais, la frappe, hein. T'es une belle petite bombe atomique. Un bête de corps, une parole de fusil. J'ai le bracelet électronique. Sinon je serais déjà parti dans les îles. Je veux une salope comme Clara Morgan. T'as envie de baiser, j'ai lu dans ton regard. 69-890, bâtiment B posé dans le calme. Le matin je descends dans la promenade. Je suis cette barre de fils de pute. Je veux la directrice dans un convoi. Avec Félix et Zo, faire sauter le bus. Dehors ça complote, on va te fumer. Un jour de pluie, te laisser par terre. J'aurai un alibi, je serai à Miami. Sur un jet ski sans débardeur. Si t'aimes, je vais te. La com est pas faite pour décevoir ses frères. Tu me donnes un tuyau, je vais te faire l'affaire. Je donnerai pas ton nom si le procureur m'enferme. Je suis tellement fier. 10 millions, je serai pas de bite. On dit que le diable m'habite. Connais toute ma vie, que le doute navigue. Dans toute ma vie, le mode automatique va les faire changer d'avis. Oh, toujours du flow. Pour les fils de pute, les donneurs d'ego. Je pense à mes rôles, toujours en cage. C'est beaucoup d'erreurs. Toujours en cage, gros, les meurtriers, frère. Ma page, on est que les barrages. Ton pote, le voyou va devenir l'otage. Besoin de tuer ma rage, va un bon massage à bord de la plage. Ouais, ouais, je mets mon fils dans le X6. 5 ans, il aura fait le Mexique. Ferme ta gueule, imbécile. Mais c'est fait tout, c'est pas V6. J'ai tout niqué dans ma piste. Écoutez, papa, j'ai pas de chat, je suis pas Messi. Je viens du 9-4, je me suis fait tout seul. Donc je prends tout, je dis pas merci. Espèce de fils de pute à sucer. Y'a des locations qui sont pucées. C'est les vrais qui font que j'ai du succès. Je compte à de vrais tueurs, quand même, tu sais. Des modeurs quand tu as des couilles. ça c'est pour la vie. Mais comme t'as donné ton petit cul, tu seras jamais mon ami. Poto à 23h, je bois du champagne. Foie gras, pas de string girls. T'inquiète mon frère, je suis toujours le même. Calibré comme un Ringle. Ils parlent tous de moi comme pour Carlos. Bécan, poto, bamo. Je te laisse sortir devant chez toi. T'es mort devant la porte de ton cabos. J'ai jamais sucé, j'ai jamais violé. Jamais de biais gris que des biais violets. Sale fils de pute, vous êtes démodé. Quoi cet talon, je vais la démonter. Je suis parti pour tout baiser. Des chartes, des chiffres jusqu'à TVC. Dans la rue, sur mes couilles que j'ai tout misé. Camille Cala, pas besoin de savoir viser. Tout le temps, je suis steppy. De toutes les couleurs sont mes yébis. De toutes les couleurs sont mes amis. Russie, Bastia jusqu'au Mali. As-tu saisi? Nique ta mère. Je représente les vrais frères. Je suis déter. Y'a mon album qui va sortir. Madame est con, c'est lunaire. Avant d'aller au prétoire, je fume un joint d'herbe. Je me rappelle que je vais mourir avant d'avoir l'âge de mon père. Quel enfer, faut se battre pour avoir la foi. Tu me fais, je t'emmène avec moi. On est simple, on ne plaisante pas. Sur la tête de ma daronne, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, jamais gros. Que je changerai pas, que je changerai pas. Change pas, on reste intact. Corleone. Ma gueule, 9-3 ma gueule. Bang bang. C'est Bracelet Lacrim, notre invité cette semaine entre 20h et 21h. Et puis la semaine prochaine, il sera aussi là avec nous, Lacrim, pour la sortie de l'album. On pourra vivre ça dès lundi, ouais. Entre 20 et 21, sortie 1er septembre. À retrouver aussi Lacrim près de chez vous. Si vous êtes du côté de Tanger ce week-end, ouais. Ce qui est plutôt bien, le 30 août donc au Maroc, le 6 septembre à Perpignan, le 12 à Liège, le 13 à Mons, le 26 septembre à Lyon et 11 octobre à Arles, le showcase, la tournée showcase de Lacrim et puis d'autres dates, ouais, qui vont s'ajouter. Ouais. N'hésitez pas à les suivre, on fait tourner la roulette avant de se dire au revoir, c'est parti. Skyrock t'offre ta compil Planet Rap 2014 volume 2 et ton iPad mini. Allô Claire. Allô. Ça va bien Claire à Saint-Laurent-du-Var? Ça va et vous? Bah écoute, en pleine forme, on est avec Lacrim, avec Sofiane. Pardon? Et avec toi maintenant, Claire. Salut Claire, oui, ça va? Lacrim, ça va? Tu vas bien, Claire? Ça va. Tranquille, il fait beau chez toi? Ouais, ça va, il ouais. Fait beau. Ça, chez nous, il pleut, chez nous, il fait moche. C'est gris, c'est l'automne déjà. Nous, ça va, il fait beau. Bon, Claire, tu as retenu quand sort l'album de Lacrim, j'espère? Ah oui, y'a pas de soucis. D'accord, c'est quand? C'est le 1er septembre. Bah voilà, parfait. Ah bah tu vois. Tu as donc le droit de tourner la roulette, c'est parti. Bien, Claire. Bravo Claire. Ouais. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Stop. Ah ouais, mais t'es pas toute seule. Non, c'est avec les collègues avant. Avec les collègues Claire et ses collègues. C'est les vacances pour vous encore, toi, Claire. T'es bien, ouais, t'es en vacances. Ouais, c'est encore les vacances. Eh bien, avant la reprise, tu vas recevoir du son Planet Rap 2014 volume 2 et puis l'album de Lacrim qu'on t'envoie à Saint-Laurent-du-Var. Bah, merci. Bah, c'est bien, ça fait plaisir. Petit merci, message, merci. Petite dédicace à passer. Dédicace à tous les Saint-Laurent, à Santi, à tout le monde. Eh bah, ça roule, bisous. Bisous, Claire. Merci, bisous, Lacrim. Allez, ciao, gros. Ciao, passez une bonne soirée. Demain, on va revenir, Lacrim. Demain. Tu seras là entre 20h et 21h avec cet album Corleone. Merci à Sofiane d'être passé. Merci à toi. Et voilà, on rappelle, hein, Corleone, 1er septembre. Hein, faut pas faire les mecs. Hein, je parle à tous ceux qui tweetent là. Je vais voir vos précommandes iTunes, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait plaisir. C'est le minimum, c'est la base. Et Fianso aussi, hein, ça arrive très prochainement. Ouais, il y a Bang là. Chacun a son, tu vois. Si là, je suis un artiste et j'ai le droit de défendre qui je veux, tu vois. Si je suis un Planet Rap et qu'il est là, c'est que voilà, tu vois. Bah, donc, c'est que oui, il y a une affinité, a priori. Exactement. Même, il y a du talent. Donc 2015. Inch'Allah, ouais, mais de toute manière, il y aura des signaux qui vont s'envoyer très bientôt. Voilà. Là. De toute façon, on se revoit vite. Voilà, exactement. Merci Sofiane d'être passé. Merci à toi, la famille. Lacrim demain, merci. Juste avant 20h, le retour. Et merci d'être là, en tout cas, avec cette album qui sort lundi. Et là, on va retrouver D-Fool maintenant. Eh oui, on est là. Et toute l'équipe. Ouais. Et le retour de la radio de l'été. Très chaud. Et on est là. Salut Sofiane, ouais, bouillon. Voilà, la famille. Salut Lacrim. Coucou. Ça va les gars? Ça va. La famille bouillon, il y a quoi? Il y a des sauts de glaçons encore. Non. Alors ouais, vous en êtes où de votre Ice Bucket Challenge, ouais, Fredo et Lacrim? Je te cache pas, c'est calme. Pour l'instant, oui, il l'a fait, regarde, tu peux tremper. Il est les cheveux trempés. Non mais ça, c'est l'effet Planet Rap, ça. Ouais. Non, tout va bien, nous, ça va, c'est aéré, on n'est pas 150 milliards, je te jure. Je suis déjà venu avec des plein trap où il y avait trop de transpiration, où il faisait vraiment chaud. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Là, ça va, c'est bien. C'est là, ça fait sauna. Ouais. Voilà, c'est vrai, c'est tranquille, c'est posé, c'est la crime. Tous les soirs, 20h, 21h sur Skyrock, l'album qui arrive très très vite. Lundi. Ouais. Et le Planète Rap qui continue jusqu'à vendredi, donc demain soir. Et même jusqu'à la semaine prochaine. On sera là, oui, exactement, Fredo. Oui. Et oui, c'est parce que c'est deux semaines. Vous vivrez la sortie de l'album en direct tout au long de la semaine prochaine. Tout au long de la semaine prochaine. Et ben, on en reparlera et puis on écoutera tout ça, évidemment. Merci la crime. Allez, je vous embrasse. Merci Sofiane. Bisous. Et à la prochaine. Dans les studios, Ibra, dans les studios. Ouais, on salue tout le monde. Tu connais. Ah bah attends. On salue tout le monde et puis on vous retrouve demain 20h, 21h. Nous c'est parti dans un instant, la radio libre sur Skyrock. Vous pouvez nous appeler dès maintenant si vous voulez débarquer dans l'émission avec nous, faire les cours jusqu'à minuit. Allez-y. 01 53 40 30 20. Faites péter tous les réseaux sociaux. Vous laissez vos messages sur l'appli Skyrock, sur le 41 759. On vous attend tout de suite avec toute l'équipe. Et ouais, avec bah tiens, Bang Bang qu'on va retrouver, c'est Maska. Bang, bang. Ouais. Maska, ouais. Et Maître Gims. Ouais. Ouais. Maska et Maître Gims. Ouais, Fredo. Mais encore. Mais, alors, attends, je sais pas. Bang, bang. Et le titre, c'est Bang, bang. Prie pour moi. Mais fallait dire que tu voulais le titre. J'avais pas capté Bang, bang. Je me disais, peut-être qu'il vient, je sais pas. J'étais plus dans cette optique-là, en fait. Non, mais si vous aimez Maska, on aura une bonne surprise pour vous. C'est vrai? Oui, d'ici la fin de la semaine, là. Peut-être demain, d'ailleurs. Dans l'émission, restez à l'écoute. Donc, j'étais pas si loin que ça. Pas loin, Fredo. Voilà, très bien. En tout cas, le titre, on l'écoute tout de suite. Il arrive tout de suite sur Skyrock. Ciao, ciao. Ciao. À demain, et nous, on arrive tout de suite. Gagne la plus.